Oui, c'est moi. Comment te dire, j'aimerais qu'il soit près de moi. J'aimerais sentir tes mains sur mon corps. T'aimer toute la nuit. Oui, t'aimer. Sexy téléphone au café, mon délire.